السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nous adressons les louanges à Allah et nous lui demandons de couvrir d'éloges et de saluer son serviteur et messager, notre prophète Mohammed, ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. موضوع هذه الكليمات في هذه الليلة وفي هذا المسجد متعلق بحديث عظيم عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ذاكم الحديث رواه صحابي جليل وهو أبو نجيح العرباض النسارية رضي الله عنه، فإنه قال فيما أخرجه غير واحد من أصحاب السنن وكذلك الإمام أحمد رحمهم الله: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Le sujet de ces quelques paroles que nous allons essayer de donner ce soir dans cette mosquée, dans ce lieu béni, est lié à un hadith d'une importance capitale. Ce hadith qui a été rapporté par un noble compagnon qui n'est autre que Abu Najih al-Irbad ibn Sariya, qu'Allah l'agré. D'après ce qu'a recueilli un certain nombre de ulama du hadith, notamment l'imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, et d'autres, Abu Najih al-Irbad ibn Sariya a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a un jour accordé une exhortation éloquente qui a fait frémir les cœurs et qui a fait pleurer les yeux. Nous lui avons alors dit: ô messager d'Allah, c'est comme si c'était l'exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux, accorde-nous donc une recommandation. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de dire alors: je vous recommande la crainte pieuse d'Allah, ainsi que l'écoute et l'obéissance, même si celui qui vous dirige est un esclave, car celui qui vivra parmi vous verra de nombreuses divergences. Cramponnez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. Cramponnez-vous-y et mordez-la à pleines dents. Et méfiez-vous des choses nouvellement inventées en religion, car toute chose nouvellement inventée en religion est une innovation, et toute innovation en religion est un égarement. فهذا الحديث حديث كما تقدم عظيم بدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلب منه أصحابه رضوان الله عليهم هذه الوصية بتقوى الله. فبعد أن قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله معشر الإخوة هي وصية الله للأولين والآخرين. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فقد كان يوصي أصحابه رضوان الله عليهم بتقوى الله سواء كانوا مجتمعين أو فرادى. فمن أمثلة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم مجتمعون هذا الحديث الذي رواه العرباض رضي الله عنه. ومن أمثلة توجيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهم فرادى ب أو إلى تقوى الله ما جاء في حديث أبي ذر الغفاري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وتقوى الله هي وصية الصالحين من هذه الأمة، فقد كان سلفنا الصالحون يوصي بعضهم بعضا بتقوى الله. فمثلا جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال له: أوصني. فقال رضي الله عنهما: عليك بتقوى الله والاستقامة والأثر، اتبع ولا تبتدع. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à débuter cette recommandation-là après que ses compagnons lui aient dit: ô messager d'Allah, c'est comme si c'était la recommandation ou l'exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux. Accorde-nous donc une recommandation, en recommandant vivement la crainte pieuse d'Allah. En effet, il a dit sallallahu alayhi wa sallam: je vous recommande vivement la crainte pieuse d'Allah. La crainte pieuse d'Allah, la taqwa, il faut savoir que c'est l'objet de la recommandation qu'Allah tabaraka wa ta'ala a adressée aux premières et aux dernières générations. Il a en effet dit dans son noble livre, subhanahu wa ta'ala: et nous avons certes donné la recommandation à ceux à qui le livre a été attribué avant vous, ainsi qu'à vous-même, de craindre Allah de manière pieuse. Et il faut savoir que c'est également la recommandation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à sa communauté, que ce soit alors que ses compagnons étaient réunis, comme c'est le cas dans le hadith qu'a rapporté Al-Irbad ibn Sariya, ou de manière individuelle, comme ce fut le cas dans le hadith rapporté par Abu Dharr al-Ghifari et Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah les agrée, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: crains Allah de manière pieuse où que tu sois, et fais suivre la mauvaise action par une bonne action, et elle l'effacera. Et comporte-toi avec les gens d'une bonne manière. Tu remarques à nouveau ici le fait qu'il est recommandé dans un premier temps la crainte pieuse d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est également l'objet de la recommandation des pieux de cette communauté, nos pieux prédécesseurs, qu'Allah leur fasse miséricorde de se recommander mutuellement la crainte pieuse d'Allah, azza wa jal. À titre d'exemple, lorsqu'un homme est venu voir Ibn Abbas, radiallahu anhuma, en lui disant: accorde-moi une recommandation, Ibn Abbas lui a dit: attache-toi à la crainte pieuse d'Allah, à la droiture, suis les traces de ceux qui t'ont précédé, suis de manière scrupuleuse et n'innove pas en religion. C'est donc là l'importance ou la place importante qu'occupe la crainte pieuse d'Allah tabaraka wa ta'ala dans cette religion. A tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ses compagnons lui ont dit: ô messager d'Allah, c'est comme si c'était l'exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux, accorde-nous donc une recommandation, il a commencé en disant: je vous recommande vivement la crainte pieuse d'Allah. Wa qad abbara ahlul ilm عن حقيقة تقوى الله بتعبيرات عديدة وهي متقاربة. فمثلا قال الإمام علي رضي الله عنه لما سئل عن التقوى: هي الخوف أو هي العمل بالتنزيل والرضا بالقليل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل و مثل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمثال تقريبي لتسهيل فهم معنى التقوى. فلما سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى سأل سائله قائلا: أرأيت لو سلكت طريقا ذات شوك ماذا كنت صانعا؟ فقال: لو سلكته أو لو سلكتها أشمرت هكذا. فقال: فذاك التقوى. وأخذ من هذه الإجابة السديدة من أبي هريرة رضي الله عنه ابن المعتز هذا المعنى، وقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض شوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقال آخرون من أهل العلم رحمهم الله: التقوى أن تجعل بينك وبين عقاب الله وعذابه وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي. فهذه التعريفات متقاربة، ولعل أحسن ما قيل في حد التقوى وأشمل ما قيل في ذلك ما قاله الطلق بن حبيب رحمه الله تعالى، وهو من أعلام التابعين، فإنه قد سئل عما حصل من فتنة في عصره رحمه الله، وسئل عن المخرج، فأجاب رحمه الله تعالى قائلا: إذا جاءتكم الفتنة فادفعوها بالتقوى. فقيل له: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقد أثنى على هذا التعريف غير واحد من أهل العلم، فقال طلق رحمه الله: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله وهو نور الإيمان ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فهذا هو التقوى. فعلينا جميعا أن نجعل التقوى نصب أعيننا، وعلينا جميعا أن نسعى في تحقيق هذا الأمر العظيم. Qu'est-ce donc que la crainte pieuse d'Allah, étant donné qu'elle occupe cette place importante dans la religion, il est important que nous nous posions cette question. Qu'est-ce donc que la crainte pieuse d'Allah? Quand nous parlons de crainte pieuse d'Allah, de taqwa, il faut savoir que les ulama de cette communauté, ils ont défini la taqwa de différentes manières. Et ces différentes définitions, en vérité, mènent vers une même chose. Et elles sont rapprochées. À titre d'exemple, certains des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, furent questionnés au sujet de la crainte pieuse. En l'occurrence, c'est Abu Huraira qui fut questionné. Et il a répondu en questionnant celui qui l'avait questionné. Il lui a dit: vois-tu, si tu en venais à emprunter un chemin jonché d'épines, que ferais-tu? Et il a répondu: je retrousserai mon vêtement et je ferai attention. Je mets les pieds. Abu Huraira a répondu: eh bien, c'est ça la taqwa, c'est ça la crainte pieuse. Et Ibn al-Mu'taz, rahimahullah ta'ala, a pris de cette réponse éloquente et pleine de répartie le sens de la crainte pieuse d'Allah, et il a exprimé cela sous forme de vers, ce que j'ai tenté de vous restituer précédemment, dont le sens de manière globale serait: délaisse les péchés, qu'ils soient grands ou qu'ils soient petits, et c'est là la crainte pieuse. Et comporte-toi à la manière d'une personne qui emprunterait un chemin jonché d'épines et qui ferait attention à ce qu'il voit et ne méprise aucun petit péché, car certes les montagnes sont formés de petites pierres. Également, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, la lagré, a été questionné à propos de la taqwa, de la crainte pieuse d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et il a répondu que c'est le fait de mettre en application la révélation, le fait de se contenter de peu dans ce bas monde, et le fait de craindre Allah, le noble, et le fait de se préparer pour le jour du voyage vers la demeure ultime et éternelle. Et il y a également d'autres ulama de cette communauté qui ont défini la taqwa, la crainte pieuse d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en disant que c'est le fait que tu places entre toi et le châtiment d'Allah, tabaraka wa ta'ala, un rempart, en accomplissant ce qu'il a ordonné et en t'écartant de ce qu'il a interdit. Et il est probable que la meilleure des définitions qui a été donnée est celle qui englobe le plus les nombreux sens que contient ce noble terme qui est la taqwa, la crainte pieuse d'Allah. C'est ce qu'a dit l'imam Talq ibn Habib, qui faisait partie des grandes personnalités de l'époque des disciples des compagnons, c'est-à-dire la deuxième génération de cette communauté. En effet, il fut questionné à propos de certains troubles qui étaient survenus à son époque. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et il a été questionné à propos de la manière de se comporter et comment trouver une issue favorable à cette période de troubles. Talq ibn Habib, rahimahullah ta'ala, a répondu: lorsque les troubles surviennent, repoussez-les par la taqwa, par la crainte pieuse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le ou les questionneurs ont alors dit: mais qu'est-ce donc que la crainte pieuse? Et il a répondu qu'Allah lui fasse miséricorde en disant: c'est que tu œuvres par obéissance à Allah, en te basant sur une lumière venant d'Allah. La lumière venant d'Allah, c'est-à-dire la lumière de la foi, basée sur les textes du Coran et de la sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté, comme nous allons le dire plus loin, incha'Allah. Donc Talq a dit, rahimahullah, c'est que tu œuvres par obéissance à Allah, en te basant sur une lumière venant d'Allah, et en recherchant par là la récompense d'Allah, et que tu t'écartes de la désobéissance à Allah, en te basant sur une lumière venant d'Allah, et en craignant par là le châtiment d'Allah. Cette définition donnée par Talq ibn Habib, rahimahullah ta'ala, a été saluée par bon nombre d'hommes de science de cette communauté qui en ont fait l'éloge et qui ont dit que c'était des meilleures définitions qui avaient été données de ce noble principe qu'est la crainte pieuse d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فهذا أصل متقرر في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث من هذه الأحاديث التي جاء فيها تقرير هذا الأصل حديث العرباض ابن سارية إن النبي صلى الله عليه وسلم قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد سمعتم ومر على مسامعكم قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نستفيد من هذه الآية الكريمة أن المقصود من الولاة هم الولاة المسلمون. إن الله تبارك وتعالى قال وأولي الأمر منكم أي منكم أيها المسلمون. كذلك في هذا الحديث النبوي الشريف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة إن تأمر عليكم عبد فإن المعنيين بالسمع والطاعة لهم هم ولاة الأمور المسلمون. فهذا أصل مهم جاء تقريره في أحاديث كثيرة، وعلينا أن نفهم هذا جيدا، لا سيما في عصر كثرت فيه الفتن وكثر فيه الكلام على ولاة أمور المسلمين، وذلك من قبل بعض الجماعات المنتسبة للإسلام لكنها بعيدة كل البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تسعى في تشويه سمعة ولاة أمور المسلمين فتطعن فيهم وتدعو إلى الخروج عليهم، بينما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة لهم كما سمعتم من حديث العرباض ابن سارية قال: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. Le deuxième des points, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit: et l'écoute et l'obéissance, même si celui qui vous dirige est un esclave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir recommandé la crainte pieuse d'Allah, il a insisté sur l'écoute et l'obéissance qui est due aux dirigeants. Un principe fondamental que nous retrouvons dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre: ô vous qui avez la foi, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Tu retiens comme enseignement de ce noble verset le fait que les dirigeants qui sont visés, ce sont les dirigeants musulmans, étant donné qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit: et à ceux d'entre vous, c'est-à-dire à ceux d'entre vous, ô vous les musulmans, qui détiennent le commandement. Et c'est également le cas donc dans ce hadith rapporté par Al-Irbad ibn Sariya, qu'Allah l'agrée. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ainsi que l'écoute et l'obéissance, même si celui qui vous dirige est un esclave. Et c'est là un principe fondamental parmi les principes fondamentaux de cette religion, qui malheureusement est ignoré ou négligé par bon nombre de nos contemporains. Et ce, entre autres, à cause de certains groupes se réclamant de l'islam tout en étant loin, très loin, de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui cherchent à ternir l'image et la réputation des dirigeants musulmans en les critiquant et en appelant à se soulever contre eux. Il est donc impératif, barakallahu fik, si tu veux être en conformité avec la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que tu assimiles bien le fait que l'écoute et l'obéissance aux dirigeants musulmans, quelque chose de primordial, de capital. وقد أكده النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وكان أصحابه رضوان الله عليهم يبايعونه على السمع والطاعة، اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأثرة عليهم، وكانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا ينازع الأمر لمن والله الله إياه، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضوان الله عليه. وختمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. هذا حديث عظيم ومهم. إن بعض الناس من المشغبين، من الحزبيين المبتدعين الذين يدعون أتباعهم إلى دار البوار، يقولون بلسان ما مقالهم أو حالهم. إلى متى نسمع ونطيع لهؤلاء؟ الجواب في هذا الكلام النبوي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. تستطيع من خلال هذه الكلمات القليلة أن تستنبط منها أمورا ذات أهمية. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا، هذا شرط. إلا أن تروا الرؤية، لا بد من الرؤية، ولا يكتفى في هذا المجال بهذه الشائعات والقيل والقال، لا بد من الرؤية. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا، إلا أن تروا ماذا؟ كفرا بواحا. ما هو الكفر البواح؟ هو الكفر الواضح الذي لا يقبل التأويل، وهو الكفر الذي انتشر حتى لا يتردد أحد في أن فلانا ارتكب هذا الكفر البواح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم فيه من الله برهان، من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من إجماع المسلمين. إن بعض الناس يكفرون بما ليس بمكفر، وبالتالي يدعون إلى الخروج على حكام المسلمين بدعوى أنهم بزعمهم قد خرجوا من ملة الإسلام، والأمر ليس كذلك. فلا بد من مراعاة هذه الشروط بالإضافة إلى شروط أخرى. من هذه الشروط ما أجمع عليه أهل العلم. فالشرط الرابع بعد هذه الشروط الثلاثة هو القدرة والاستطاعة، وأما الشرط الخامس وقد أجمع عليه أيضا أهل العلم هو ألا تترتب على إزالته مفسدة أكبر من كونه حاكما على الدولة الفلانية. وهذا الأمر يقرره ويقدره أهل العلم الكبار فقط، فليس لأحد الناس أن يتكلم في هذا الأمر وأن ينظر فيه، بل هذا أمر لا بد من رده إلى العلماء الكبار، علماء السنة. ويجب على المسلمين أن يدركوا هذا الأمر، أن هذه الأمور العظام ترد إلى العلماء الكبار. ونقصد بالعلماء هنا علماء السنة. Ce point là donc que nous avons mentionné, celui de la Ce point-là, l'écoute et l'obéissance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté dessus dans de nombreux hadiths, comme nous l'avons dit précédemment. Et il a également exposé le fait que l'écoute et l'obéissance restent obligatoires à l'égard des dirigeants musulmans, même en situation de difficulté. En effet, ses compagnons, lorsqu'ils lui prêtaient serment d'allégeance, sallallahu alayhi wa sallam, il lui prêtait serment d'allégeance sur de nombreuses choses, à propos de nombreuses choses. Parmi ces choses-là, l'écoute et l'obéissance à l'égard des dirigeants musulmans, en période de facilité et de difficulté, dans l'aisance et dans la gêne, même si le droit d'autrui prévalait sur leur droit à eux. Et également, ils prêtaient serment d'allégeance quant au fait de ne pas disputer le commandement à ceux qui le détiennent. C'est donc là quelque chose d'important que nous devons garder à l'esprit. Barakallahu fikum. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé, a conclu ce hadith dans lequel il est rapporté que les compagnons prêtaient serment d'allégeance à propos de cela, C'est d'ailleurs le hadith qui a été rapporté par le noble compagnon Ubad ibn Samith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam concluait en disant: sauf si vous voyez une mécréance flagrante à propos de laquelle vous bénéficiez d'un argument venant d'Allah. Retiens bien, barakallahu fiik, retiens bien cette phrase brève prononcée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est une réponse à certains éléments perturbateurs, à certains sectaires, à certains innovateurs qui posent la question de manière explicite ou implicite lorsque nous disons et affirmons qu'il nous est obligatoire d'écouter et d'obéir aux dirigeants musulmans. Ils disent: mais jusqu'à quand allons-nous écouter et obéir à ces gens-là alors qu'ils font telle, telle et telle chose? La réponse, elle est claire et brève, et elle est tirée de ce hadith authentique prononcé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il a dit: sauf si vous voyez, première condition, sauf si vous voyez, dans le sens où il ne suffit pas ici et il ne s'agit pas de faire circuler des rumeurs en disant tel gouverneur, tel dirigeant a fait telle ou telle chose, mais il s'agit plutôt de voir quelque chose de concret. La deuxième des conditions, que cette chose-là qui est vue soit une mécréance flagrante. Qu'est-ce que c'est que la mécréance flagrante? Qu'est-ce qui est visé par la mécréance flagrante dans cette parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? La mécréance flagrante, barakallahu fikum, c'est la mécréance qui ne laisse place à aucune interprétation. C'est la mécréance qui s'est répandue dans le sens où personne n'hésite sur le fait qu'un tel a perpétré tel acte ou a proféré telle parole, na'am, relevant de la mécréance. Troisième des conditions tirées de ce hadith, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit à propos de laquelle vous bénéficiez d'un argument venant d'Allah. Un argument venant d'Allah dans le sens où tu en viens à déterminer que ce qui a été accompli et perpétré est une mécréance flagrante en te basant non pas sur ta propre conception des choses comme certains le font, mais sur une preuve tirée du livre d'Allah ou de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam ou du consensus de l'unanimité des ulama de cette communauté. Donc tu te rends compte déjà à partir de ces trois conditions qu'il n'est pas si aisé que cela de dire qu'un tel n'est plus musulman et de dire qu'il est légiféré dans la religion de chercher à destituer un tel du poste qu'il occupe. Rajoute à ces trois conditions-là deux autres conditions, barakallahu fik, qui sont l'objet de l'unanimité des ulama de cette communauté. La première de ces deux conditions qui vient se rajouter aux trois que vous avez entendues et que j'espère vous avez mémorisé, c'est la capacité. La capacité de destituer tel gouverneur. Car si il n'y a pas cette capacité-là, alors il n'y a pas lieu d'entreprendre cette initiative. Cinquième condition qui est également l'objet de l'unanimité des ulama de cette communauté, le fait que cette destitution n'engendre pas un mal plus grand que le fait que ce dirigeant soit en place. Et il faut savoir, et j'espère que vous serez bien attentifs à ce point-là, seuls les ulama sont habilités et aptes à déterminer le fait que ces conditions soient réunies et que, en aucun cas, il n'appartient à des particuliers parmi les membres de cette communauté, qu'ils fassent partie du commun, des musulmans ou des étudiants en sciences, de se prononcer à ce niveau-là, mais que seuls les ulama, et je dirais même plus, seuls les grands ulama sont habilités à se prononcer à ce niveau-là. Il n'est donc pas correct que les musulmans lambda, si on peut se permettre d'utiliser ce terme-là, en viennent à faire de ce genre de sujet-là l'objet d'assises et de discussions, car ce sont des sujets graves et sensibles. Il est donc impératif de savoir qu'il est des sujets dans la religion qui doivent impérativement être renvoyés uniquement aux grands savants de cette communauté. Barakallahu fikum. Thumma qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira. Fa ka'annahu ashara sallallahu alayhi wa sallam bi hadha al-kalam ila an at-tahqiq at-taqwa wa tahqiq asl as-sam' wa at-ta'a li wulati umur al-muslimin بمثابة الوقاية من وقوع الاختلاف الذميم. إنه قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف الكثير قد عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة أخرى في حديث آخر، فإنه قال صلى الله عليه وسلم وأحسبكم تحفظون هذا الحديث، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية أخرى تزيد هذه الرواية الأولى تفسيرا وتوضيحا، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل بعد هذا الخبر فقيل له من هم يا رسول الله، يعني ما هي هذه الفرقة الناجية الواحدة من بين هذه الفرق الكثيرة الهالكة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الكلام العظيم يعد تفسيرا للجماعة، فالجماعة هي جماعة الذين هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عهده، إنه قال صلى الله عليه وسلم هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض مرادف لهذا الافتراق الذي جاء في هذا الحديث الآخر. Puis le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: car celui qui vivra parmi vous verra de nombreuses divergences. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait exprimé cette chose-là de la sorte indique que ce qui a précédé, à savoir la concrétisation de ce principe de crainte pieuse d'Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que la concrétisation de ce principe fondamental, l'écoute et l'obéissance due aux dirigeants musulmans, correspond à ce que l'on pourrait considérer la prévention, ce qui permet de prévenir l'apparition de cette divergence blâmable qu'a annoncé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cette divergence blâmable qui a été exprimée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, et je pense que vous mémorisez ce hadith là, le hadith dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les juifs se sont divisés en 71 groupes et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes et ma communauté va se diviser en 73 groupes, tous sont en enfer sauf un, et c'est le groupe, c'est le jama'a. Ce hadith a été rapporté sous une autre variante, sous une autre version, et cette version vient ajouter à cette première version que vous venez d'entendre de la clarté et de l'explication. En effet, il est venu dans cette autre version que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné à propos de ce groupe sauvé, qui est sauvé au milieu de ces nombreux autres groupes voués à la perdition. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, c'est le groupe de ceux qui sont en conformité avec la voie sur laquelle je suis aujourd'hui, moi, ainsi que mes compagnons. Donc il faut que tu saches que quand tu entends parler de la jama'a, il faut que tu saches que ça correspond au groupe des musulmans unis sur la vérité. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont ceux qui sont sur quoi je suis aujourd'hui, moi, ainsi que mes compagnons. Donc garde cela à l'esprit, barakallahu fik, et sache que c'est cela qui est attendu de toi, que tu sois en conformité avec la voix du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses compagnons, radiyallahu anhum, qu'Allah leur accorde son agrément. Ba'da an dhakara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-wiqaya hadha al-ikhtilaf aw min husul hadha al-ikhtilaf adh-dhamim husul hadha al-iftiraq wa ba'da an akhbar an husulihi ja'a bil-ilaj fa innahu qala sallallahu alayhi wa sallam fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ الحديث فعليكم بسنتي ما هي السنة؟ السنة عرفها أهل العلم بتعريفات عديدة تختلف هذه التعريفات بحسب الفن الذي يتكلم فيه أهل العلم فالمحدثون يعرفون السنة بتعريف والفقهاء بتعريف آخر والأصوليون بتعريف آخر وأهل السيرة بتعريف آخر وقد أطلق بعض أهل العلم لفظة السنة على معنى العقيدة وآخرون أطلقوا هذه اللفظة الشريفة على ما يرادف الدين بكامله من ذلك ما جاء عن الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وتحفظون كذلك هذه الكلمة العظيمة من هذا الإمام الجليل في كتابه الفذ شرح السنة إنه قال رحمه الله تعالى اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام ولن يقوم أحدهما إلا بالآخر أو كما قال رحمه الله تعالى فالمقصود من السنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه العرباض بن السارية هو الدين بكامله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي من هم الخلفاء الراشدون المهديون من بعده صلى الله عليه وسلم هم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ الحديث هذا الكلام من نبينا صلى الله عليه وسلم كلام عظيم يبين لك المخرج من الفتن المخرج من هذا الافتراق فقد بين صلى الله عليه وسلم أن الأسباب المخرجة بإذن الله تبارك وتعالى من فتنة هذا الافتراق ترجع إلى سببين عظيمين أولهما التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، والثاني لزوم غرز علماء سنته صلى الله عليه وسلم. أشار إلى ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهو يخاطب أصحابه رضوان الله عليهم. ونستطيع أن نقول بأنه كما أنه كان يجب على أصحابه رضوان الله عليهم أن يلزموا غرز أكابرهم وهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم الراشدون المهديون رضوان الله عليهم، فعلى المسلمين أن يلزموا غرز علماء السنة في كل جيل، فكان على التابعين أن يلزموا غرز علمائهم، وعلى أتباع التابعين أن يلزموا غرز علمائهم. وهلما جرى إلى يومنا هذا، إلى عصرنا هذا، علينا جميعا أن ندرك هذا الأمر، وأن لا نكون من الذين يتبعون غير سبيل المؤمنين. إن الله تبارك وتعالى قد ذم ذلك وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فعلينا أن ندرك هذه المعاني، أن ندرك هذه الأمور حق الإدراك، أهمية لزوم السنة وأهمية لزوم غرز علمائها، لننجو بإذن الله تبارك وتعالى من هذه الفتن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا منها. Et je vous traduirai cette partie après l'adhan et on terminera sur ça بإذن الله. Avoir annoncé, après avoir évoqué la manière de prévenir l'apparition de cette divergence blâmable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc annoncé ici et dénoncé et condamné, cette divergence blâmable synonyme de division, comme nous nous en sommes rendus compte à la lumière de cet autre hadith, le célèbre hadith justement de la division. Et après avoir annoncé donc qu'elle allait survenir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en est arrivé à aborder le remède, la solution. C'est ainsi qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam: je vous recommande donc de vous cramponner à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. Cramponnez-vous-y et mordez-la à pleines dents. Et méfiez-vous des choses nouvellement inventées en religion. Jusqu'à la fin du hadith. Qu'est-ce donc que la sunna? Il faut savoir que la sunna, elle a été définie par les ulama de différentes manières. Et ces différentes définitions varient selon la discipline, selon la matière scientifique dans laquelle elle est définie. C'est ainsi que les ulama du hadith ont défini la sunna d'une manière. Les ulama du fiqh l'ont définie d'une autre manière. Et les ulama spécialisés dans les fondements du fiqh d'une autre manière, et ceux qui sont spécialisés dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une autre manière, des définitions qui se rapprochent mais qui diffèrent dans certains détails. D'autres ulama ont expliqué que le terme sunna, lorsqu'il traite du dogme, est synonyme de dogme. C'est d'ailleurs pour cela que tu trouves qu'un certain nombre de livres relatifs à l'exposé du dogme islamique sont appelés la sunna, ou le commentaire de la sunna, ou les fondements de la sunna. Et d'autres ulama ont expliqué que le terme sunna peut dans certains contextes être synonyme de la religion dans son entièreté. Et c'est le cas ici. Parmi les ulama qui ont expliqué cela, il y a le célèbre imam al-Barbahari qui a dit dans son livre d'exception « Sharh Sunna » une parole que certains d'entre vous ont certainement mémorisée lorsqu'il a dit, rahimahullahu ta'ala, sachez que l'islam c'est la sunna et que la sunna c'est l'islam. et qu'aucun des deux ne peut être réellement effectif sans l'autre. Sache donc, barakallahu fik, que dans le hadith al-Abad ibn Sariya, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cramponnez-vous donc à ma sunna, le terme sunna ici, est synonyme de la religion de l'islam dans son entièreté. Puis il a dit, et à la sunna des califes bien guidés après moi. Les califes bien guidés après lui, sallallahu alayhi wa sallam, sont Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Radiallahu anhum, qu'Allah les agrée tous et qu'il agrée l'ensemble des compagnons sans exception. Puis il a dit, cramponnez-vous-y et mordez-la à pleines dents. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette parole-là, dans ce passage de ce hadith, il a réuni les différentes causes qui permettent de mettre fin à cette division, de mettre fin à cette divergence blâmable. Il a cité les deux causes principales. La première de ces causes, c'est le fait d'être fidèle à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième de ces causes, c'est le fait d'être fidèle au ulama de sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Et il a en effet indiqué cela, étant donné qu'il s'adressait à ses compagnons et qu'il leur a ordonné d'être fidèles à la voix de leur grand savant, que représentaient les quatre califes de l'islam, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Et on peut dire à partir de là qu'il incombe à chaque génération, parmi les générations de cette communauté, d'agir obligatoirement de la sorte. C'est ainsi qu'il incombait aux disciples des compagnons, At-Tabi'un, qui vivaient donc dans la deuxième génération de cette communauté, d'être fidèles à la voix de leur grand ulama. De même pour la troisième génération, et ainsi de suite, jusqu'à notre époque, afin de ne pas tomber sous la menace annoncée par Allah, tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il a dit dans son noble livre, « Et quiconque fait scission d'avec le messager, et suit autre que la voix des croyants, nous le laisserons vers ceux vers quoi il s'est détourné, et nous ferons de l'enfer son refuge, et quelle mauvaise destination !» Donc sache, l'attachement, la fidélité, le fait de se cramponner à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le fait d'être fidèle à la voix des ambassadeurs de la sunna, sont deux causes qui permettent de sortir de la divergence blâmable, de cette division-là, et que c'est également un ordre, une manière de concrétiser les commandements divins, et que le fait de déroger à cela place celui qui s'en rend coupable sous la menace d'Allah tabaraka wa ta'ala que vous venez d'entendre à travers cette parole divine. Et nous aurons l'occasion demain, incha'Allah ta'ala, après la prière de l'Asr, d'aborder le sujet qui vous a été annoncé à la base et qui correspond à la fin de ce hadith. C'est ainsi qu'après la prière de l'Asr, et certainement que nous continuerons après le Maghreb, nous allons parler de l'innovation de la bid'a et de son danger en essayant de faire un historique de l'apparition de l'innovation dans cette communauté, ce qui va nous amener également à parler de certains troubles qui touchent la communauté à notre époque. Également, demain, après la prière du soubh, on donnera cours, incha'Allah, et on abordera le sujet de la sourate de la Fatiha. Bi-Iznillah, étant donné que l'on aura peut-être un peu plus de temps, on essaiera ensemble de prendre un peu le temps pour aborder certains détails, en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de rendre cela bénéfique et avant tout de nous permettre d'être de ceux qui œuvrent sincèrement pour lui, en conformité avec la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et avant de terminer, je n'omettrai pas de remercier les responsables de cette mosquée, parmi eux son imam, jazahumullahu khayra, qu'Allah les récompense, et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de les assister, de les aider, de leur accorder la réussite et le succès dans ce bas monde.